pas volé, on pas tué, pour moun. En cet temps pas fait pour moun aïe. Les yo kamagadi moins. Ça cachirait qu'est en moins. On pas volé, on pas tué, pour moun. En cet temps pas fait pour moun aïe. Les yo kamagadi moins. Ça cachirait qu'est en moins. Sans amis, on comprend tes besoins.